7-15. Observation, forme masculine et féminine. Révision et extension. Masculin, gris. Féminin, grise. Sérieux, sérieuse. Moqueur, moqueuse. Notez que ces formes féminines ont la même consonne finale, V, représentée par S